Je suis désorienté, déboussolé, perdu dans les étoiles, quelque part sur la lune. Je suis une boussole à la recherche du nord, je suis complètement à l'ouest. Je cherche au cap de l'est, peut-être même que je suis perdu vers le sud. Près du système solaire, près de cette belle terre, je recherche un sourire, juste un sourire. Boussole à la recherche du nord, je suis complètement à l'ouest. Je cherche le cap de l'est, peut-être même que je suis perdu vers le sud. Perdu dans l'infini de cette galaxie, j'ai déjà visité toutes les planètes que je pouvais, mais je n'ai jamais rien trouvé. Je voudrais briller parmi ces étoiles, apparaître sur une constellation. Combien y en a-t-il dans le ciel? On se pose bien la question. Aucun autre beau soleil n'entre jamais en éruption. Je suis une boussole à la recherche du nord. J'ai complètement à l'ouest. Je cherche le cap de l'est. Peut-être même que je suis perdu vers le sud. Je suis désorienté, déboussolé, perdu dans les étoiles, quelque part sur la lune.